Mardi, 19h, 17h30, c'est l'heure de l'aérospatiale, l'émission 100% art visuel de CKRL. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Jean-Pierre Gay, en remplacement de Julie et de son petit Lucien qui est avec nous ce soir dans l'air d'accueil de CKRL. Donc, on a l'occasion de voir ce nouveau petit être humain qui est avec nous ce soir et sa mère, évidemment. Et bonsoir, Jacques Gignac à la mise en onde. Alors, au menu ce soir, deux entrevues assez sur des sujets qui vont être probablement questionnants avec Martin Bureau et Luc Renault qui ont produit et qui vont lancer un film qui s'appelle Playa Colonial et qui se passe dans ce qu'on appelle ces espèces de clubs tout inclus à Cuba. Ça risque de faire de la vague. Et Benoît Côté pour un projet qui suscite déjà un peu de controverse, un projet d'habitation dans le quartier Saint-Roch où vont être jumelés des gens qui ont des problèmes de santé mentale avec des artistes dans tous les domaines, incluant les arts visuels. On aura la chronique de Dominique Savoie sur la dernière exposition au Centre Vue qui a commencé depuis vendredi dernier. La revue de presse avec Raymond Poirier et, comme à chaque semaine, celui qui nous met la musique dans les oreilles, l'art sonore dans les oreilles, Simon Roy. Bonsoir, Simon. Bonsoir, Jean-Pierre. Ça va? Ben oui, toujours. Oui, alors, j'ai eu l'occasion d'écouter ce que tu vas nous faire jouer ce soir. C'est assez particulier. On est dans quelque chose qui est à la fois minimaliste et on a l'impression d'être dans la forêt, du moins pour les premières pièces. Ben oui, c'est l'artiste, c'est Thomas Park qui évolue sous le nom de Mystified, mm-hmm. Donc se spécialise surtout dans la musique ambient, musique atmosphérique, compose sa musique pour le cinéma, radio, joué à des festivals, même sur des CD-ROM informationnels, donc il y a à peu près une quinzaine d'albums, un artiste vraiment actif. Prolifique. Ben oui, c'est ça. Puis pour cet album-là, il s'est servi de phonographe. Donc, pour les plus jeunes à la maison, ces phonographes, c'était des cylindres de cire, donc une invention qui date du 1877. Donc, c'est assez fragile comme média. Puis aussi, il mélangea aussi avec la radio onde courte. Donc, deux trucs assez grichants. Puis il réussit à faire de quoi de vraiment intéressant avec ça. C'est pas ce qu'il fait d'habitude. Il y a toutes sortes de parcours différents côté musique. Même il a déjà fait la musique techno. Donc un artiste vraiment intéressant. Ouais, puis ce que j'ai eu l'occasion d'écouter, ça me faisait penser un peu à ce que Martin Tétrault faisait avec ses tables tournantes l'été dernier. Oui, c'est ça, exactement. Il y a quelque exactement. Chose qui dirige un peu. Ouais. C'est dans le même registre un peu. Puis tout ça, c'est publié sur l'étiquette Voz Music. C'est une étiquette vraiment intéressante, Jean-Pierre. C'est Siren Deer qui a parti ça au début des années 90. Lui, il vient de la communauté du home taping, les gens qui faisaient leur propre enregistrement à la maison. Puis il a fait une étiquette, donc il y a vraiment beaucoup de matériel disponible, comme toujours, gratuitement sur Voz Music. Et sur le web. Ben merci Simon, on va écouter ça, on va écouter la première pièce qui s'intitule Particles. Merci, bye. Merci, bye. Thank you. Alors, nous avons maintenant avec nous Raymond Poirier. Bonsoir, Raymond. Bonsoir, Jean-Pierre. L'heureux papa du petit Lucien. Alors, félicitations. Merci. Mm-hmm. Et beaucoup de nouvelles cette semaine. L'actualité continue de rouler. Beaucoup de nouveaux aussi. Et notamment une nomination qu'on attendait bien, celle de la commissaire de la Manif d'Art 7. Eh bien, ça a été dévoilé tout récemment. Donc, ce sera Vicky Chenet-Gagnon qui sera commissaire. Elle est directrice et conservatrice de la galerie d'art Foreman de l'Université Bishops de Sherbrooke. Elle est reconnue également notamment pour sa démarche novatrice, son intérêt pour les pratiques émergentes. Elle a fait des recherches sur la muséologie citoyenne qui l'ont menée vers de nouvelles formes de médiation culturelle mises de l'avant notamment dans le cadre d'une série d'expositions qu'on a pu voir récemment. Elle a eu le prix Relève d'ailleurs en 2011 via la Société des musées québécois. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse au nouveau mode de transmission, de vulgarisation, de présentation, de médiation de l'art. Donc et ça, aussi ça aux enjeux actuels. Exactement. Mm-hmm. Et d'ailleurs, parlant d'enjeux actuels, le thème qu'elle a choisi de mettre de l'avant sera « Résistance ». Alors, ce qu'on dit, c'est que ça va être un événement en deux temps. Donc, dans un premier temps, on va commencer par une reconnaissance du rôle critique joué par les arts visuels et médiatiques dans la documentation de conflits et de manifestations de résistance. Et dans un deuxième temps, on explorera donc la thématique elle-même, le thème en abordant les nombreuses tactiques et stratégies qui façonnent les pratiques radicales actuelles. Donc, on va vraiment s'intéresser à la fonction politique de l'art, du cinéma, de la vidéo, de la performance. Alors, ça risque d'être extrêmement riche au niveau thématique là, si, évidemment, on réussit à faire quelque chose de stimulant avec mais tout ça. Mais ça va dépendre des artistes aussi. Exactement, c'est et la grande question. Je veux juste souligner que c'est la quatrième femme en ligne, hein, après Lisanne Nadeau, Sylvie, dont j'oublie le nom, et Nicole Gingras. C'est quatre femmes d'affilée qui auront été commissaires pour la Manif d'art. Et puisque tu mentionnes Jean-Pierre, Nicole Gingras, j'en profite pour souligner au passage qu'elle a reçu le prix d'excellence de la Fondation Nintishin. Donc, c'est, dans le fond, une reconnaissance qui est accordée à un ou une commissaire à mi-carrière en reconnaissance de sa contribution importante à l'avancement de l'art contemporain au Canada. Elle, Mme Gingras, donc, on le sait, elle est chercheure, auteure, commissaire. Elle s'intéresse beaucoup à l'image, au son, autant pour les arts médiatiques, dans diverses expositions, programmations, publications. Elle a mis sur pied, notamment, les éditions Nicole Gingras en 96, les productions Minute également en 2002, et on la connaît entre autres ici à Québec pour son excellent travail sur la dernière manif. Et elle vient d'être nommée aussi au Musée d'art contemporain à Montréal. Voilà. Donc, plusieurs félicitations qui sont d'office. Et tu parlais tout à l'heure aussi de la place des femmes dans l'art et à la manif. Parallèlement, il y a les prix Sobé qui ont été donnés, et deuxième femme, en fait, à la gagner, Raphaëlle de Groot. Mm-hmm. Depuis l'existence donc de ces prix, c'est quand même aussi un autre élément qui met de l'avant la place des femmes dans l'art actuel. Madame de Groot, qu'on a pu voir à Québec, d'ailleurs, il y a quelques temps, avec l'exposition « Le poids des objets » à la Chambre Blanche. Au lieu. Oui. Également, en fait, on sait, après 16 ans de carrière, donc Raphaël de Groot, qui poursuit une démarche non conformiste, on peut le dire comme ça, ont des expositions hors champ qui sont des questionnements sur les relations humaines, sur l'immatériel, sur le rôle de l'artiste, le sens de l'acte artistique. Donc, une volonté d'ouverture constante également pour travailler avec les situations, les rencontres, parfois même hors du contexte habituel de Et l'accumulation aussi. Oui. Elle travaille beaucoup. L'accumulation de choses, le fameux poids des choses, c'est une exposition qu'elle trimballe partout et qui est un défi en soi que de transporter, d'accumuler ces objets-là et de les rentrer dans un container. C'est tout un... J'ai eu l'occasion d'écrire tout un texte sur cette madame-là. Oui, en fait, c'est une artiste qui est extrêmement... à la démarche extrêmement stimulante, je trouve. Et j'étais bien content de voir justement que cette reconnaissance-là s'étend à l'ensemble du pays, puisqu'on le rappelle, les prix Sobé, c'est un prix qui s'étend à l'ensemble. Donc, d'artistes d'art actuel qui œuvrent au Canada. Mm-hmm. Et rapidement, le marché de l'art bat son plein, et encore des records qui ont été battus cette semaine là à New York. On parle de ventes de plus de 412 millions de dollars chez Christie's, de plus de 375 millions de dollars chez Sotheby's. Donc vraiment la crise qu'on craignait, donc qu'elle viendrait atteindre le milieu de l'art, et ben ça ne se passe pas du tout comme ça. Au contraire, on parle même d'un des principaux soldes de ventes à valeur égale depuis l'après-guerre. Donc, ça va très bien. Mais les œuvres d'art deviennent un peu comme l'art. C'est comme ce qu'on appelle un refuge. C'est des choses qui sont appelées à être avoir une plus-value contrairement aux denrées ou aux autres valeurs plus spéculatives. Exactement. On revient un peu à ce qu'on disait d'ailleurs il y a quelques semaines où, dans le fond, de plus en plus, les arts sont peut-être un peu jugés plus pour leur valeur monétaire qu'artistique, malheureusement. Et on termine, Jean-Pierre, avec une triste nouvelle, en fait, décès de Monique Dupont. Oui, Monique Dupont, c'est quelqu'un, une femme que j'ai eu l'occasion de voir de nombreuses reprises dans les centres d'artistes, au lieu, à la Chambre Blanche, dans les événements comme la Manif d'art. C'était quelqu'un qui était connu par de nombreux artistes. Elle est décédée d'une longue maladie et il y aura, je voudrais annoncer qu'il y a une cérémonie funéraire qui aura lieu samedi, qui a lieu au 288e rue à Québec, et c'est de, je cherche mes heures, à 15, de 15h à 18h, et à 18h, il y a une espèce d'hommage, une rencontre hommage à son intention au centre Frédéric Bach sur la rue de Salaberry. Voilà, donc départ d'une amie des arts visuels. Oui, d'une amie des arts visuels. Alors, on s'en va en pause audio, toujours avec nos amis de Mystified, et au retour, Martin Bureau et Luc Renault. Alors, c'était Mystified. Et nous sommes maintenant, nous allons être mystifiés maintenant parce que nous sommes avec Luc Renault. Bonsoir, Luc. Bonsoir. Et à l'autre bout du fil, Martin Bureau. Salut, Martin. Salut, bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que il y aura vendredi le 30 novembre dans le grand hall du Musée national des Beaux-Arts une soirée, un 5 à 7 suivi d'une projection de votre film et une discussion par la suite, donc de votre dernier documentaire qui s'intitule Playa Coloniale. On est en pleine crise du cinéma, ça a l'air, quand j'entends quand je lis les articles, on est en pleine crise du cinéma, et selon certains, il faudrait qu'il y ait plus d'humoristes dans nos films pour que les films soient meilleurs. Moi, j'ai eu l'occasion de voir votre film, et je vous dirais que c'est un film qui devrait toucher le grand public, qui devrait soulever un débat, et qui n'a pas été fait avec les grands budgets des grands films, et qui est, quant à moi, un très grand film, tant au plan du contenu que de l'esthétisme de ce film-là. Alors, félicitations. Puis j'espère que ce film-là va avoir les mêmes honneurs que le précédent. D'ailleurs, parlant du précédent, on est un peu dans les mêmes zones. Dans le film qu'on avait le précédent, c'est-à-dire Une tente sur Mars, c'était une question de dépossession du territoire, de colonialisme. On est encore là-dedans. D'ailleurs, le titre le dit bien. Ben, on a juste fait un 180 degrés. On s'est retourné vers le sud, dans le fond. On est allé voir comment les Québécois, est-ce qu'on colonisait d'autres territoires, en fait. Et puis, on s'est retrouvé comme vous dites, dans le même thème, mais sauf que là, on est sur les plages là, de Cuba. Et puis, on traite ça à travers le tourisme tout inclus. Là. On pourrait appeler un genre de néocolonialisme. Là. Ouais, mais à la différence cette fois-ci, cependant, contrairement au film précédent où vous aviez un personnage qui était Tite, cet Inou qui racontait la désolation puis tout ce que le village de Cheverville était devenu une fois que la mine avait été fermée. Cette fois-ci, pour témoigner de ce qui se passe à Cuba, vous avez choisi de donner la parole à plusieurs Cubains et Cubaines, et ça, c'est... Quant à moi, ça ajoute beaucoup parce que c'est pas le point de vue que d'une seule personne, c'est le point de vue de plusieurs personnes. Oui, si je peux me permettre, c'est surtout le point de vue des locaux sur la situation du tourisme. Donc, pour rappeler le synopsis du film, c'est une critique, une charge contre l'industrie, pas nécessairement contre, mais plutôt une charge critique sur l'industrie du tourisme des tout inclus. Et puis, c'était quand même délicat d'aborder le sujet en s'immisçant nous-mêmes dans les tout inclus et puis en respectant, on se donnait le mandat de respecter les protagonistes, donc les Québécois qui étaient dans cette situation-là, malgré le fait que nous, on critique cette situation. Et puis, on a avancé tel des traqueurs, des chasseurs dans tout ça pour être à l'affût de tout ce qui pouvait surgir comme personnage, comme situation. Puis ça s'est avéré qu'on a eu beaucoup de paroles éloquentes venant des Cubains. Et puis, nous, on a vu au fur et à mesure que ça devenait une force dans le film, justement, parce que c'était pas les Québécois qui allaient faire la leçon aux Cubains ou quoi que ce soit. C'était les Cubains qui nous voyaient à travers la lorgnette du tourisme des tout inclus. Ouais, puis vous avez donné la parole autant à quelqu'un qui ramasse les ordures que une journaliste qui est chevronnée, qui est contestataire du régime, à un cuisinier, à toutes sortes de personnages dont les conditions sont modestes. Il y a un bonhomme qui vit avec sa mère et sa sœur dans un réduit d'à peu près une pièce et vous avez réussi à entrer en contact avec tout ce monde-là? Mais au départ, je dirais que Yoani Sanchez, la journaliste dissidente cubaine, mm-hmm. c'est peut-être la seule personne qu'on avait visée puis qu'on a réussi à rencontrer, parce que c'était pas évident de tomber, de l'accrocher. Mm-hmm. Mais les autres, ça a été des rencontres au hasard. Puis une des raisons pourquoi aussi on a plusieurs personnages, c'est que la nature même de tourner à Cuba, c'est que c'est plus difficile de rencontrer une personne, de la suivre, comme on a fait avec Tite dans une tente mm-hmm. sur Mars, de la revoir un an plus tard, etc., etc. Déjà que les gens parlent, c'est beaucoup. Ben, c'est ce que j'allais dire. Ça, vous aviez dû avoir des résistances, parce que c'est pas facile quand tu es dans un gouvernement très contrôlant de prendre la parole. Tu peux te retrouver avec des problèmes. Ouais, ben on jouait avec Martin, on jouait le rôle du touriste. On filmait avec une caméra 7D. On avait un petit kit de son. On faisait ça assez low profile, si on peut dire. Puis Martin, il avait un super beau chapeau là de touriste et tout ça. Puis tout, on est passé comme des taupes là. Ça a bien été. Puis les gens ils nous faisaient confiance aussi à cause de ça. Martin, vous avez tourné aussi dans un des tout inclus. J'imagine encore là, vous avez dû avoir votre propre bracelet pour pouvoir avoir accès à autant de générosité de la part de ces comédiens-là. Ouais, effectivement, on a fait deux fois des séjours. On a fait deux séjours dans les tout inclus deux années de suite. Et puis, d'ailleurs, il y a un plan dans le film où est-ce qu'on voit quelqu'un se faire mettre un bracelet. C'est moi là, qui me faisais mettre mon bracelet, que j'arrivais en prison. OK. Oui, parce que ça, c'est beau. Il y a une expression de votre journaliste qui dit que c'est une prison dorée. Oui, effectivement, ben c'est comme ça ça va devenir une prison dorée pour quiconque va vouloir critiquer ou qui se sentira pas bien dans cette situation-là. D'autres vont aller là, ils vont profiter de la plage, de la piscine, du bar, du buffet, etc., des activités. Puis ils vont en profiter dans le sens qu'ils vont être en vacances dans leur tête, puis d'autres non, ils vont se sentir complètement confinés. Et puis ces gens-là, probablement, c'est des gens qui sont plus habitués de voyager par eux-mêmes. Même de manière autonome, de manière plus libre. Et puis, quand ces gens-là se retrouvent pour une raison X, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que un peu tout le monde va dans les tout inclus, hein, du médecin à l'ouvrier, ou etc., de l'intellectuel à l'ouvrier, encore une fois, qui n'est pas nécessairement intellectuel. Tout le monde va dans les tout inclus, et puis parce qu'ils ont juste une semaine à profiter, ils veulent aller au soleil, ils veulent se reposer, tout ça. Et puis, c'est pas tout le monde qui critique ce système-là. Et puis, quand la critique surgit en eux-mêmes, que ce soit n'importe qui de ces protagonistes-là peut se réveiller dans le dans, à un moment donné dans ce système-là, dire ben là ça a pas de bon sens, se rendre compte à quel point il y a des inégalités, à quel point ça alimente les disparités entre le peuple d'accueil puis le peuple qui vient sur la plage. De là notre point de vue de colonialisme en fait. Parce qu'en fait les images que vous présentez sont assez contrastantes. On voit ces Québécois bedonnants, la bedaine pendante pour plusieurs, en tout cas qui s'amusent, qui fêtent en gros groupe. Ça, c'est ce bout-là qui m'a le plus impressionné, de voir combien il peut y avoir beaucoup de monde dans un espace réduit qui saute de joie, qui s'amuse, et le contraste avec les vrais Cubains qui eux font leurs petites affaires tous les jours, puis on voit bien qu'ils vivent dans un autre régime monétaire. D'ailleurs, vous le démontrez. Un des aspects de votre film, c'est qui est très documenté. Vous donnez des statistiques, vous donnez des beaucoup d'informations. Il y a une partie qui est écrite, là. On voit beaucoup de textes qui apparaissent. Et on en apprend beaucoup sur les deux régimes, les deux formes de régime monétaire. Vous dites non, Luc, là-dessus? Mais en fait, faut comprendre que à Cuba, les touristes ont accès à une monnaie. Les touristes et les Cubains qui ont de la famille à l'étranger, là, ont accès au peso convertible, qu'on appelle le peso fort. Et puis, les Cubains, en tant que tels, eux, vivent sous un régime du peso national, qui est pas du tout la même monnaie, qui donne pas accès aux mêmes biens de consommation, etc. Donc c'est sûr que les Cubains qui travaillent dans l'industrie touristique, certains d'entre eux ont accès à cette monnaie-là, et ça leur donne un statut économique différent du reste de la population, mais c'est une minorité. Et quand les touristes arrivent puis ils disent ben nous on va donner des pourboires à telle ou telle personne, ça va les aider, bien sûr que ça aide ces gens-là, mais cet argent-là ne se rend pas non plus un peu plus loin que ces travailleurs-là là, qui ont des contacts avec les touristes. Vous montrez bien aussi comment il reste peu d'argent quelque part. Sur, mettons, un 100 piastres, il y a 30% qui va demeurer à Cuba. Et là-dessus, ce qui va se rendre aux vrais Cubains, il y a une bonne partie qui s'en va dans les ailleurs. Hein? Ben, c'est un peu système. L'idée de détruire ce paradigme-là que les touristes ont quand ils vont dans les tout-inclus, de se dire, ben nous, on aide, on va là, puis on aide l'économie cubaine, puis... Malheureusement, ça serait bien que ce soit le cas, mais malheureusement, ça semble pas être le cas. Quelques mots sur l'image. Le film, c'est un film documentaire, mais il y a un traitement qui est pas juste un traitement documentaire. Il y a un traitement artistique. Martin, là, je fais appel au caméraman, puis j'imagine que les images, c'est beaucoup de toi aussi, là. Oui et non. C'est-à-dire, c'est vraiment les deux. On a tout fait. Les deux, on a vraiment brouillé les pistes à ce niveau-là, parce qu'on, avec Une Tente sur Mars, on a développé une signature, mais on était un petit peu pris du fait qu'on était dans une plus grande structure avec producteurs, tout ça, on était un petit peu pris dans nos syndicats, si on peut dire. Puis, alors que le naturel de notre travail fait en sorte qu'un peut prendre la caméra, l'autre le son, puis si l'autre il file pas, ben le lendemain c'est l'inverse. Puis on a développé un langage commun qui fait en sorte que tout est brouillé. Là, c'est pour ça qu'on a tout écrit dans le générique, tous les postes créatifs, là, oui. C'est tout d'une traite, c'est les deux. Puis on peut parfois même pas dire qui a filmé quoi. Tout ça, mais nous, on sait qu'on s'est partagé tout ça. Puis c'est comme ça qu'on travaille maintenant. C'est vraiment à la manière... À ce niveau-là, on travaille plus comme à la manière du monde de l'art visuel que du monde du cinéma. Plutôt compartimenté. D'ailleurs, vous signez Bureau Renault. Bureau Trade Union Renault, ce qui n'était pas le cas, je pense, dans le film Une Tente sur Mars. Ben non, dans Une Tente sur Mars, c'est beaucoup Martin qui avait... À cette époque-là, j'étais encore en apprentissage. Hein? Mais comme Martin dit, dans ce film-là, c'est 50-50. Il y a un voyage que j'ai fait tout seul à Cuba, j'ai tourné. Mais sauf que je suis imprégné de mon contact avec Martin. Et puis, ça s'est tout mélangé, ça, comme Martin dit. Là. On parle d'un séjour... de séjour à Cuba, mais il y a aussi le contraste avec l'hiver québécois. Le début du film, c'est la tempête de neige, parce que vous montrez ce contraste-là. Vous avez choisi la tempête du siècle, probablement. C'est une magnifique tempête de neige dans Saint-Jean-Baptiste. Là. Il y a des images magnifiques que vous avez tournées sur l'hiver. Et ça aussi, c'est de très belles images. Il faut vraiment pas aimer l'hiver pour ce type d'image-là, pour aller dans un tout inclus. Ce qu'on avait, ça, on l'avait réfléchi assez rapidement dans le développement du scénario. Ce qu'on voulait dès le départ, c'était de malgré le fait que c'est vrai que les images sont belles, mais on voulait vraiment écraser le spectateur pendant 4 minutes avec des images d'hiver, puis qu'il se passe presque pas grand-chose, sinon les gens qui s'affairent à pelleter puis à déneiger, etc., pour faire en sorte que quand on arrive dans le sud par la suite, que ça soit comme une délivrance. au niveau scénaristique, c'est ça qu'on a fait. C'est ce qui ressort aussi, là. Ben oui. Parce que, tu sais, nous, on comprend que on n'attaque pas on va pas contre les gens qui veulent aller dans dans les tout inclus. On comprend même Yoani Sanchez, la cubaine, a dit, moi, j'aime ça le soleil, j'aime ça la plage, etc. Puis ni de la façon dont ils vont dans le sud, c'est plutôt, c'est normal, il fait froid l'hiver. C'est la conséquence de tout ça. Moi aussi, j'aime la plage. Là. ça nous fait plaisir de partir de l'hiver. Je veux souligner le travail de Fred Fortin, Olivier Langevin, puis de Dan Thouin. La trame sonore du film, elle est vraiment bien faite. Il y a un bout de guitare d'Olivier là, qui est vraiment impressionnant. Puis il y a les petits effets spéciaux de Dan Thouin. Donc, au plan d'image, au plan du son aussi, c'est bon. J'ai vu aussi qu'il y avait une collaboration, Martin, avec Émile. Donc, Émile Bureau est toujours présent dans ton travail? Ben, fiston, ça s'est retrouvé je me suis retrouvé à Montréal pour aller faire un tournage avec des personnages du film. Et puis, on était en famille à Montréal, puis ça me prenait quelqu'un au son. Donc, j'ai expliqué spontanément comment fonctionnait le son à Émile, puis il a fait ce travail-là. Donc, il s'est retrouvé au générique de cette façon-là, mais c'était pas prévu. Mais il est toujours pas très loin, quand même, là. Vous travaillez ensemble, c'est pas la première fois, en tout cas. Non, c'est ça. Ben, écoutez, Martin et Luc, merci beaucoup d'être passés ici. Je veux rappeler que le lancement a lieu vendredi qui s'en vient, le vendredi, dans le grand hall du Musée national des Beaux-Arts. C'est 10$. C'est vendredi le 30 novembre. Le 30. Merci, Luc. Oui. J'avais hâte de finir mon émission, probablement, c'est pas ça. 30 novembre, un 5 à 7, projection du film et discussion. Donc, c'est le programme de la soirée. Ça commence à 5h, puis ça finit après la discussion. Alors, c'est 10$. Vous vous réservez. C'est important de réserver parce que c'est dans le grand hall, mais il faut quand même qu'il sache combien il y aura de personnes. C'est le 643-2150. Merci, Luc Renault. Merci, Martin Bureau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'en va en pause publicitaire et au retour, ben, ce sera la chronique de Dominique Savoie. Começou a circular o expresso, dois, dois, dois, dois. Une véritable légende débarque au Palais Montcalm le 22 novembre prochain. Gilberto Gil et toute la chaleur de sa musique brésilienne. Avec plus de 5 millions d'albums vendus dans le monde, Gilberto Gil a redéfini la musique populaire brésilienne fusionnant samba, salsa, bossa nova avec le rock et le folk. Gilberto Gil, une figure marquante de la musique brésilienne. Faites vite! Détails au palaismontcalm.ca. Le showman le plus éclaté au Québec, Antoine Graton, présente les chansons de son dernier album, La Défense du titre, en première à Québec, le 19 décembre au Théâtre Petit Champlain. Si la peur coule dans tes veines, colle tes chaleurs contre les miennes. L'œil étoilé, costume éclaté. Sur scène, Antoine Graton rock son piano comme nul autre. Dis-nous ce que tu veux. La Défense du titre, le dernier album d'Antoine Graton, disponible partout. Avec la foi, nous pouvons soulever des montagnes. Avec mes citoyens, nous pouvons bâtir la ville de demain. Ici Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Et Régis Labeaume, maire de Québec. Avec les ressources nécessaires pour s'en sortir, ça aide. Pour une personne sans abri, un toit, un repas, une main tendue peuvent faire toute la différence. À la Maison de l'Aube-Rivière, votre don peut changer une vie. Soyez généreux. Détails à l'aubrivière.org. Collaboration Desjardins, caisse du centre-ville de Québec. Le grand moment de l'athlète Dominique Maltais pour Opération Nérou. C'est une grande année pour moi. Je dois rester concentrée. J'ai des objectifs et je veux les atteindre. Ça va être un gros travail d'équipe. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Que ce soit pour être utilisateur ou accompagnateur, pensez Opération Nérou au 1-866 Desjardins. Pour un départ parfait. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Bienvenue au bulletin de nouvelles du 4 octobre 1957. L'écrivain et scientifique Isaac Asimov prévoit l'ouverture d'une brasserie coopérative de travail dans le quartier Saint-Roch à Québec autour de l'année 1997. À l'étranger maintenant, c'est le début de la conquête spatiale avec le lancement de Spoutnik 1. Un reportage de Michel Marcoux en direct de Baïkonour. Le lancement de Spoutnik... Merci Michel. Nous vous avons présenté le Radio-Journal. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com. Alors, deuxième demi-heure de l'aérospatiale, toujours Jean-Pierre Gay avec vous, en compagnie de Jacques Gignac. Et nous avons maintenant, c'est maintenant le temps de la chronique en art visuel, évidemment, on est dans une émission d'art visuel. Dominique Savoie, bonsoir. Bonsoir. Dominique, tu es allé voir une nouvelle exposition qui est à vue, qui a été inaugurée depuis vendredi dernier. Exactement, donc je suis allé voir pour vous Anarchitecture, une exposition d'un collectif d'artistes, en fait, de Marc-Antoine Coffaneuf, Yann Pocro et Denis Thibault, avec collaboration spéciale de Gordon Mataclark, donc œuvre posthume, on s'en doutera bien sûr, puisqu'il est décédé depuis 78. Donc, l'idée d'une architecture prend tout son sens, justement, quand on connaît un peu l'œuvre de Gordon Mataclark, qui est comme le noyau central de cette exposition. C'est lui qui est un peu, je dirais, l'inspirateur de cette exposition. Oui, oui, exactement. En fait, on s'est inspiré de la démarche artistique de Gordon Mataclark, qui était un artiste du 20e siècle, donc qui a œuvré surtout dans la fin des années 60, début des années 70. Il est malheureusement décédé précocement à l'âge de 35 ans, en 78. Lui, en fait, sa démarche, en fait, c'était quelqu'un qui avait étudié en architecture et qui s'amusait à dire qu'il faisait de l'anarchitecture, donc contraction du mot anarchie et architecture. Donc, lui, il est surtout célèbre pour ses découpes architecturales, c'est-à-dire qu'il faisait carrément des découpes dans des bâtiments, des immeubles qui étaient abandonnés, qui étaient voués à la destruction. Et ces immeubles-là, donc, ils s'amusaient à faire des découpes assez particulières. Parfois même, ils simulaient carrément, en fait, une fissure, dont une œuvre qui est très connue, là, qui s'appelle Splitting en 1974, où là... volontairement créer une fissure dans la maison, comme si la maison se divisait en deux et éventuellement allait... Elle craquerait puis tomberait de chaque côté. Exactement, exactement. Ou il a fait des découpes comme carrément couper un immeuble en deux, conserver seulement une des deux moitiés. Donc, il a beaucoup joué avec ça. Et le photomontage aussi photographique de ces découpes architecturales. Parce que lui, après ça, il faisait des photographies de ça. Exactement, des photomontages qui nous présentaient l'immeuble sous une autre perspective. En fait, lui, c'est vraiment l'idée que l'immeuble devient matière et support de création. Donc, l'immeuble devient la sculpture juste avant donc d'être détruite, parce que souvent, il travaillait dans des quartiers qui étaient abandonnés, qui allaient être démolis, des usines abandonnées. Donc, puis, il s'amusait. Donc, on lui laissait champ libre et il pouvait faire ses découpes. Donc, on est parti de cette démarche-là pour créer une exposition de photos. Donc, à partir de cette démarche-là, on est parti d'un bâtiment qui est pas nécessairement... qui a été, disons, en quelque sorte abandonné, mais qui est plus voué à une transformation. Qui a déjà été abandonné. Oui, oui. Et qui... C'est ça, mais qui n'a pas été détruit. Et qui va avoir une troisième vie. C'est ça, exactement. Donc, on parle du YMCA au Carré d'Youville, qui deviendra bientôt donc le Théâtre Le Diamant, projet de Robert Lepage, donc un projet qu'on entend beaucoup parler dans l'actualité depuis quelques mois. Donc, on est parti de cet immeuble-là et on a décidé d'en faire une anarchitecture. Donc, les artistes, si on prend surtout Denis Thibault et Yann Pocro, donc sont... Parce que c'est eux qu'on voit en arrivant. Oui, on c'est voit pas ça. Le travail de celui qui était l'instigateur, qui était à l'origine. Ce qu'on voit, c'est le travail. Quand on arrive, on voit le travail de Denis Thibault puis de Yann. Et là, on sait pas trop. On comprend pas tout de suite. On comprend pas ce qui se passe. Si on est ferré un peu dans l'histoire de la photo, de l'art, de la photo ou de l'architecture, bon, on peut se dire, ah, il y a quelque chose à voir avec Mataclark, mais on le sait pas tout de suite. Le titre est un indice, mais surtout quand on entre dans la première grande salle, là, qui est la grande galerie, la galerie américaine. Donc, on voit le travail, bon, d'abord de Denis Thibault et surtout celui de Yann, parce que en entrant, c'est lui qui nous tombe dans l'œil. D'abord par les grandes photos, mais surtout par l'audace qu'il a eue de faire une découpe dans le mur de la galerie, donc qui nous révèle, à notre grande surprise, une fenêtre. Donc et on voit la rue Saint-Vallier. Exactement. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui travaillaient à vue qui n'avaient jamais pensé à ce qu'il pouvait y avoir derrière ce mur, là, ben oui. Et qui sont demeurés très surpris lorsque Yann Pocro a fait cette découpe-là. Donc, il rappelle directement les découpes de Mataclark. Et on a l'impression d'être dehors. Donc, il y a eu exactement. Que le mur mur est tombé, oui. Comme tu racontais au début. Là. Exactement. Puis cette découpe-là est faite, est comme intégrée dans la photographie de Yann Pokrow, qui est des images, en fait, de l'intérieur du YMCA, sur lesquelles on est intervenu avec des plans, des anciens plans architecturaux, donc qui fait une référence un peu à l'histoire du bâtiment. Et là, il y a cette découpe-là qui donne une ouverture sur, bon, dans le cas ici de la rue Saint-Vallier, mais tu sais, qui donne aussi une ouverture sur le jour actuel, donc voilà, l'actualité. Ouais. Donc, c'est assez intéressant. Mm-hmm. On regarde le travail de Denis Thibault, donc, qui est juste situé dans la même galerie à côté. Ben, ça aussi, c'est très impressionnant. Denis Thibault travaille avec l'idée de pouvoir tout représenter en même temps sur une même image. Donc, c'est une photographie panoramique qui a été décortiquée en 620 morceaux. Donc, en fait, c'est 620 photos. C'est ça. 620 photos qui ont été prises, mais vraiment macro, puis qui recomposent une image totale qui se trouve à être la vue panoramique de l'intérieur du YMCA. Donc, ces 620 images-là rappellent aussi beaucoup les photomontages de Mata Clark. Donc, ils rappellent un peu ce collage photographique que Mata Clark faisait. Et ils rappellent aussi l'idée d'un peu de cette déconstruction de l'immeuble. On a vraiment l'impression que c'est justement comme s'il y avait des fissures un peu dans cette photo-là. Ben, il y a quelque chose qui fonctionne pas à première vue. C'est pas tout de suite qu'on comprend que c'est 620 photos qui construit l'image totale. Puis on comprend pas que c'est un panoramique écrasé. C'est ça, pas tout de suite. Donc c'est juste à force de le regarder. Puis on se dit, mais c'est pas possible qu'il y ait juste un mur. Puis les rondeurs des murs qui apparaissent aussi. Exactement. Mais, la forme nous semble, éventuellement, quand on s'attarde à l'image, on se rend compte que c'est pas possible. Là. Donc ça peut pas être une photo d'un plan plat, donc on comprend, donc c'est un plan panoramique éventuellement. Puis on voit la vétusté aussi, les craquelures dans les murs et tout ça. Exactement, donc, on voit le côté abandonné du lieu, donc justement qui est voué à un autre avenir. Et quand on passe donc à la petite galerie, donc la galerie européenne, d'abord on a devant nous trois images, donc trois œuvres de Gordon Mata Clark qui ont été prêtées par le Centre canadien d'architecture. C'est des images en noir et blanc, donc on voit un peu les interventions de Mata Clark. Et parallèlement à ça, on a donc le travail de Marc-Antoine Coffaneuf. Marc-Antoine Coffaneuf qui est un collectionneur qui est connu vraiment beaucoup pour ses collections parfois assez intrigantes. Ah oui. Ben récemment il a fait le symposium à Baie-Saint-Paul, c'était une collection de harlequins, donc il reconstituait un harlequin à partir de plusieurs centaines de harlequins, ou encore il avait fait une exposition à l'œil de poisson l'année dernière, couverture de revue de magazine. Michel Richard, je pense. Michel Richard, Nathalie Simard, Guy Cloutier. Donc il fait des collections plutôt disons intéressante, je cherchais le mot, là, mais plutôt hétéroclite. C'est pas le genre de choses qu'on penserait d'accumuler. Non, ben là, cette fois-ci, disons qu'on va dans un autre regard qui est justement parallèle à la démarche que le collectif a voulu entreprendre avec cette exposition-là. Ben, ce sont des images de vieux magazines, probablement des magazines d'architecture, donc des images en noir et blanc qui font le parallèle justement avec les images qui nous ont été prêtées de Gordon Mata Clark, et dans lesquelles il intervient en faisant des espèces de formes géométriques qui rappellent un peu une espèce d'explosion, d'éclatement coloré, punché, donc qui peut venir un peu lié avec l'idée de la fissure, l'idée de justement l'éclatement, la découpe, le déchirement qu'on retrouve dans le travail de Mata Clark. Puis le tout, ben comme c'est un bon collectionneur, on a pu en parler, ben il y en a qui sont dans des plastiques, donc un peu des espèces d'immenses ziplocs. On a l'impression que c'est sorti d'un scrapbook. Ouais, exactement. Donc ça donne l'impression que c'est des pièces vintage, des pièces précieuses, des pièces peut-être même appartenant à l'auteur, donc à Mata Clark. Donc ça donne un beau clin d'œil aussi. Donc c'est trois visions différentes d'une démarche qui est célèbre, donc de Mata Clark, vue justement là à travers le YMCA. Il y a peut-être Coffaneuf qui a moins abordé l'idée du... Il y en a un peu, mais on le sent un petit peu moins, là, peut-être. Tu disais que tu avais fait une visite avec tes étudiants aujourd'hui. Oui, oui, oui. Comment ils ont reçu ça? Ben, rapidement, une minute. Je dirais que nous, on avait commencé avec la petite galerie. Donc, sur le coup, ils comprenaient pas trop. C'est quand on est arrivé dans la deuxième galerie, ils ont été d'abord impressionnés par l'immense trou. Et notre guide, Andréane, leur a expliqué un peu c'était quoi le concept. Certains connaissaient le travail de Gordon Mataclark, mais pas tout le monde. Donc, une fois qu'on leur a expliqué, tout d'un coup, là, ils voyaient plein de choses. Puis c'est beaucoup le travail de Denis Thibault qui a impressionné en premier. C'est lui qui est le plus spectaculaire. Oui, c'est vraiment impressionnant. Dominique, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était bien. Ça passe vite. Ça a fait le tour. C'était super intéressant. Alors, on se redira une prochaine fois. Bien sûr. On s'en va en pause audio, toujours avec Mystified. Et au retour, Benoît Côté, directeur de Pêche, qui est le promoteur du projet d'habitation, de cohabitation, dont on va parler dans quelques minutes. Alors, nous sommes maintenant avec Benoît Côté, directeur général de Pêche. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Jean-Pierre. Benoît, d'abord, qu'est-ce que c'est Pêche? C'est un fruit ou un légume, mais... C'est un acronyme terrible des années 90. Ça veut dire programme d'encadrement clinique et d'hébergement. Bon, touche Arabia pour dire que c'est un organisme qui accompagne des personnes qui vivent des difficultés, qui ont des problèmes de santé mentale, parfois de toxicomanie, des gens isolés socialement. Puis je lisais sur votre site que vous vous identifiez, vous, les intervenants de ce Pêche-là, comme des ranimeurs d'espoir. Oui, en fait... Je trouve ça beau parce que c'est des gens qui sont parfois un peu déboussolés, puis qui ont peut-être perdu l'idée d'avoir quelque chose par en avant, puis vous les animez quelque part. Je pense que c'est la première des choses que l'on doit faire à titre d'accompagnateur des personnes, c'est ça, c'est le sparkling plug, c'est dur à dire, c'est un bel anglicisme. Les bougies d'allumage. Ben oui. Et aussi, on se définit comme des passeurs de liens. Alors, comme les gens, ça fait assez longtemps qu'ils ont pas eu d'amis, qui n'ont pas eu d'activité sociale. Donc, notre travail, c'est de les remettre en lien avec la communauté. C'est une des choses, encore, les plus solidement ancrées chez le Québécois et la Québécoise moyenne, c'est la peur de la personne qui a un problème de santé mentale. Et c'est évident temps que nous, notre travail, c'est de démystifier ça, parce que je vous dirais que des centaines de milliers d'interventions plus loin, ça fait 20 ans qu'on intervient dans 6 volets de service auprès de milliers de personnes par année, puis il n'y a jamais eu personne qui a été agressé. Il n'y a pas un intervenant qui a été agressé. C'est plus dangereux d'être brigadier scolaire que de travailler à la pêche. Ça rage au volant. Oui, les gens pressés le matin qui peuvent vous happer. Les vrais agressifs sont pas chez vous, probablement. Non, pas du tout. Donc, Benoît, Pêche a un projet qui est assez avancé d'un logement, Oui. Et où il y aurait une mixité d'usages. Qu'est-ce que c'est ce projet-là? En fait, nous, un des déterminants de santé les plus importants pour toi, moi, monsieur, madame, tout le monde, c'est l'endroit où on vit, le logement dans lequel on vit, la maison dans laquelle on vit. Le logement social, c'est un déterminant de santé pour tout le monde. Un logement salubre, décent, propre, pas trop cher, selon nos moyens, etc. Et ce qu'on a décidé de faire avec l'appui de la Ville de Québec, c'est développer un édifice où il y a 77 logements sociaux. Quand je dis sociaux, ils sont subventionnés. Donc, les personnes qui y habitent ne paient pas plus que 25% de leurs revenus globaux dans l'année. Ce qui est une chose fort intéressante là pour les personnes. Le logement social, c'est pas Pêche qui a inventé ça. Là. Ça fait 30 ans que ça existe. Dans Saint-Jean-Baptiste depuis longtemps. Dans Saint-Jean-Baptiste depuis longtemps. Et nous, on trouvait que peut-être parce que j'ai depuis plusieurs années des accointances avec Folliculture, comme tu sais, je suis membre du comité de programmation de Folliculture. On essaie de rapprocher en particulier le public, là, monsieur, madame, tout le monde, à l'art et aussi aux questions sociales de la Ville de Québec par rapport à l'exclusion, l'itinérance, etc. Donc, j'ai une sensibilité particulière à la question artistique. Et on a voulu, nous autres, sachant très bien qu'au centre-ville de Québec, il y avait de moins en moins de possibilités d'avoir des logements accessibles pour des artistes émergents, bien, on a voulu associer les artistes à notre projet en réservant une trentaine de logements sociaux subventionnés pour les artistes. Il y a eu quelques Il y aurait aussi le même traitement. Oui, tout à fait. Il paierait 25% pour le... Pas plus de 25% de leur revenu quand on sait que des artistes... souvent, non, c'est pas des millionnaires. C'est pas tout dans le système de Star Academy, on le sait bien. Alors là, de toute façon, au Québec, les vrais artistes qui gagnent d'argent, c'est les humoristes. Oui, c'est les humoristes, effectivement. Donc, nous, on a voulu faciliter le rapprochement de ces deux publics-là. Donc, des gens ordinaires, qui sont des gens qu'on accompagne, puis des artistes. Parce que, à la vérité, les gens qu'on accompagne, on a souvent des personnes qui, par leur sensibilité, ont envie de peindre et peigne, il y a des sculpteurs, il y a des gens qui font de la musique. Puis on s'est dit, bon, mais pourquoi pas essayer de faire en sorte qu'on réserve un certain nombre de logements. Mais dans la série d'articles, il y en a eu deux là, de Mme Porter, du Devoir. Bon, on semblait dire qu'on veut faire un projet art et santé mentale. Bon, on ne demande pas aux artistes de travailler avec les personnes qui ont un problème de santé mentale, pas plus qu'on demande aux artistes d'être les travailleurs sociaux de passage ou de corridor des gens qui vont habiter là. Chacun vit dans son logement, vit sa vie dans un monde moderne. Chacun fait ses petites affaires et n'a pas de compte à rendre à l'autre personne à côté. Sinon, d'essayer de partager un espace commun, se côtoyer comme tout le monde, quoi. Oui, puis ça, tu parlais de Folliculture. On est habitué, moi aussi, je suis à Folliculture, et on est habitué de voir et de constater cette cohabitation-là qui est possible et qui est faisable et qui est normale. C'est pas quelque chose qui demande des efforts terribles. Ça se fait régulièrement. Non, puis écoutez, moi, si je tire une ou deux leçons de la semaine dernière, c'est que les bons vieux préjugés sont solides envers les gens qui ont vécu des difficultés de santé mentale. Et ce préjugé-là court aussi dans le milieu artistique. Bon, on a peur, peut-être, puis je peux le comprendre aussi. Peut-être qu'on se dit, mon Dieu, des jeunes artistes en art visuel potentiel ou en devenir disaient, ben on veut choisir les gens avec qui on veut... auprès de qui on veut habiter, oui, bien sûr. D'un autre côté, moi, j'invite les artistes là, qui pourraient correspondre aux critères qui sont nommer là, parce que nous on a travaillé avec la ville là-dessus. On parle de gens 18 et 35 ans qui sont considérés comme des artistes là, professionnels et qui sont pas nécessairement strictement dans le domaine des arts visuels. Ils peuvent être des arts de la scène, des arts de musique, tout ça, dans tous les secteurs des arts. Et nous, ben, ça va nous faire plaisir d'offrir un logement neuf en plein centre-ville avec des activités, effectivement, où s'il arrivait quoi que ce soit, évidemment, pêche, ses bureaux sont là, il n'y a pas de crainte à y avoir, puis il n'y a pas d'obligation de passer ses jeudis soirs, samedi soir, dimanche soir avec le voisin d'à côté, là. Chacun fait sa vie. Ben, c'est exactement ça. C'est tout comme vivre dans un quartier, puis d'avoir des voisins qui sont tapageurs ou d'autres voisins qui sont très tranquilles. C'est pas parce qu'on demeure dans un quartier qu'on est tenu d'avoir des liens avec tout le monde qui est autour de chez nous. T'as bien raison, Jean-Pierre. Puis tu sais, moi je me disais, bon Dieu, je pense que c'est un public, puis j'ai des amis qui font de la comptabilité puis qui sont comptables, mais je me dis, il me semble que c'est plus naturel pour nous d'offrir à des artistes d'avoir un logement dans un projet comme le nôtre, parce qu'on croit beaucoup à l'art comme moyen d'expression, puis au niveau des questions sociales, on pense que les artistes sont des éveilleurs de conscience, sont un peu l'avant-garde d'une société, puis on croit toujours que les artistes peuvent bien se côtoyer les gens qu'on accompagne. Sinon, on va aller vers les comptables agréés, puis ça va peut-être mieux marcher. Ça va être moins rigolo. Oui. Mais moi, je me rappelle, pour avoir assisté à des rencontres à Folliculture, où il y avait d'un côté de la table des gens qui avaient des problèmes de santé mentale, puis de l'autre côté des gens qui étaient des artistes, et qui partageaient souvent les mêmes rejets dans la société. Il y a des artistes qui, parce qu'ils ont des pratiques un peu différentes, ils sont moins acceptés. Ils avaient beaucoup de choses en commun, finalement. C'est vrai. Puis là, tout de suite, je veux dégonfler un peu le mythe là, que pour être un artiste, il faut être fou. C'est jamais ce qu'on a dit à Pêche ni à Folliculture. Les gens se disent, mais mon Dieu, pourquoi on nous associerait dans un projet de mixité sociale à des gens qui ont des problèmes de santé mentale? Bon, c'est pas vrai. Ben, on n'a jamais dit qu'il fallait être fou pour avoir une capacité de création. Au contraire, même les gens qui auraient, et puis de façon épisodique, eu ou ont des problèmes de santé mentale, c'est pas dans ces périodes-là qu'ils créent nécessairement. Non, donc, il n'y a pas de lien à... Puis on n'a jamais voulu associer les deux contextes. Mais Benoît, j'espère que vous allez avoir des bien sûr des candidatures. Ben oui. Il faut communiquer avec le bureau de pêche au numéro de téléphone au 523-2820. Parfait. On est jusqu'au 15 décembre pour le faire. Oui, venez chercher les formules, parce que c'est un monde où il y a des formules à remplir, des choses à faire, mais on va tout vous expliquer ça, puis on vous invite à venir partager le plaisir qu'on va avoir à vivre ce projet-là. À vivre ensemble. Et il y a d'ailleurs sur le site de pêche qui est, je ne l'ai pas devant moi, le site internet de pêche, vous pouvez retrouver. Ce projet-là, il est très bien illustré. Oui, tout à fait. Notre ami Google va vous mener vers pêche et puis vous allez avoir la description un peu du projet dans son ensemble. Ben, merci Benoît. Je te remercie Jean-Pierre. Plaisir. Alors, on écoute à nouveau Mystified et par la suite, le calendrier de la semaine. Alors, on est maintenant rendu dans le dernier droit de l'émission. Grosse fin de semaine en perspective. D'abord, on va y aller tout de suite en commençant par les sommets du cinéma d'animation de Québec. Ça, c'est la 11e édition. C'est une fin de semaine où il y a toute une série de films d'animation. C'est présenté par Antitube. Il y a donc, comme toujours, un volet national, un volet international, un volet jeunesse. Et il y a même aussi un ciné-club. Donc, ça commence jeudi soir et ça se termine lundi par le ciné-club. Allez sur le site de antitube.ca. Toute la programmation complète, vous y est présentée. Et moi, à chaque année, je suis un assidu de ce festival-là, de ces sommets-là. Et c'est toujours l'occasion de voir des films d'animation des plus intéressants, des plus étonnants. Maintenant, jeudi, à la Galerie des arts visuels, Michel Lorrain, La surface des jours, le vernissage a lieu à 17h. Mais cependant, et ça c'est intéressant, la Galerie des arts visuels, une demi-heure avant, donc dès 16h30, vous pouvez rencontrer l'artiste. Et habituellement, l'artiste fait une brève présentation de son travail. Et c'est une occasion pour vous donc d'échanger avec cet artiste-là. Donc Michel Lorrain, une exposition qui commence jeudi et qui va être là jusqu'au 22 décembre. Autre événement cette semaine, là, c'est de la performance. En fait, il y a des performances jeudi, vendredi et samedi dans deux endroits différents. En fait, jeudi et samedi, ça va se passer au lieu ici sur la rue du Pont. Et ça commence à 19h. Essentiellement, ce sont les étudiants en art performatif qui en sont à une espèce de spectacle commun. Donc, ils sont une vingtaine. Et tout ça va être divisé en deux groupes. Et tout ça va se passer donc au 345 rue du Pont, jeudi et vendredi. Et samedi, pardon. Alors qu'entre les deux, à l'œil de poisson, et c'est comme par hasard s'il ne s'en était pas parlé. Donc, à l'œil de poisson, vendredi, il y a une soirée de performative qui est organisée par un groupe qui s'appelle Cornet à trois boules et qui va présenter différents artistes de performance, dont un groupe qui s'appelle On est-tu heureux, hein? Andréane Gauthier, Ulysse Ruel, Christian Bugeaud et Henri Chalem. Tout ça commence à 20h, contrairement au lieu où c'est à 19h. À l'œil de poisson, c'est à 20h. Il y a maintenant, par ailleurs, de la petite galerie de l'espace contemporain qui est sur la rue Saint-Jean, de biais avec le café Le Bonnet d'Âne. C'est le vernissage qui a lieu vendredi de 17h à 19h. Je suis allé dans mes heures. De 17h à 19h. C'est les petits formats pour Noël. C'est une exposition qui vous présente des œuvres qui sont pas nécessairement dans la thématique de Noël, mais qui sont des petits formats. On sait que, comme cadeau de Noël, parfois, on peut donner des œuvres d'art, mais plus le format est grand, plus c'est cher. Donc, vous avez ici une occasion d'avoir des artistes contemporains d'aujourd'hui qui vous offriront leur sélection de petits formats. Donc, c'est une exposition qui va être à l'espace contemporain jusqu'au 2 décembre. Alors, c'est tout le temps qu'on est avec, vient de me dire mon ami Jacques. Alors, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Jacques Gignac à la mise en onde. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'être là. Merci Julie d'offrir cette possibilité de vous retrouver. Écoutez bien, la croche-oreille, dimanche soir à 22h. Et je vous laisse entre les mains de Gilles Chaumel et Fouque d'Amérique. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.